Rebeviens me chercher, sors de ta cachette. Je t'aime sur la télé, défoncé sous le bed. Rebelle mon rebelle, non non, rebelle mon rebelle. Rebelle mon rebelle. Mes amis, j'ai fait le tri. Je vois brûler que dans la ville. Mes démons ne vivent que la nuit. Et l'histoire, c'est tout seul que je l'écris. Pas d'amitié, donc pas de fil. Je pense que tout ça, ils comprennent vite. Pas de nuit, pas de vos fils. Pas d'embrouille si t'as pas de fric. Mes amis, j'ai fait le tri. Je vois brûler que dans la ville. Mes démons ne vivent que la nuit. Et l'histoire, c'est tout seul que je l'écris. Pas d'amitié, donc pas de fil. Je pense que tout ça, ils comprennent vite. Pas de nuit, pas de vos fils. Pas d'embrouille si t'as pas de fric. Pourquoi je les sens arriver, s'approcher des filles que je passe à la télé. En enculé, j'ai avancé, trop marrant quand je vous vois reculer. Et avant toute chose, je tire un salaire à la banque. Ma sœur quand je te transforme en élevé, on la récupère pour la revente. Mais au jour d'aujourd'hui, ils veulent tous en fuite pour tenter le hit. Mais je les esquive et je mets bien ma mif, après je prends la fuite. Dis-moi, toi tu connais quoi de mal là, et de course. On marche avec un gilet pare-balles pur, y'a que les abonnés dans le rail. Débarquer, allumer tout le bar. Calme-toi d'abord, Harry, place un que tu rêves d'avant ta d'horreur. Te donne pas l'air, gosse perturbateur, pas besoin de backer. Mais bon temps qu'à faire, on se revoit tout à l'heure. Piste par la bac le soir, maman se demande pourquoi. Et si ça marche pas demain, je pense qu'on reprend la bicrop. Rebelle, viens me chercher, sors de ta cachette. Je veux un gendarme, défoncé sous le pète. Rebelle, mon rebelle, non, non, rebelle, mon rebelle. Rebelle, mon rebelle. Mes amis, j'ai fait le tri. Je mange reliquée dans la ville. Mes démons ne vivent que la nuit. Et l'histoire, c'est tout ce que j'écris. Pas d'amitié, donc pas de fil. Je pense que tout ça, ils comprennent vite. Pas de nuit, pas de vos fils. Pas d'embrouille si t'as pas de fric. Mes amis, j'ai fait le tri. Je mange reliquée dans la ville. Mes démons ne vivent que la nuit. Et l'histoire, c'est tout ce que j'écris. Pas d'amitié, donc pas de fil. Je pense que tout ça, ils comprennent vite. Pas de nuit, pas de vos fils. Pas d'embrouille si t'as pas de fric. Flat 200. Un arrive à chon, on est des mauvais garçons, on est bêtes et méchants. Je lui dis rédemption, ton ex connaît bien mon prénom. Mais j'ai trop d'amour pour ce thème four et pour cette tour, frère. Je passe devant chaque jour, mais mon train de vie ne permet plus d'y aller. Je vis dans un monde où je ferai tout pour avoir le succès. Si tu nous vois, cours parce que je t'assure qu'on voudra pas te rater. Je me vois là, tu es trop gay. Je suis tout seul et je gamberge. Je casse la démarche dans le check. Je bouge ma tête comme au steak. Bang, bang, bang, bang, bang. Si tu t'emmerdes dans mes textes. J'ai jamais rencontré l'échec. Tu vas rien savoir de ma vie, je décolle là, j'embarque sur le navire. Insolence c'est ma signature, les 357 c'est l'empire. Rebelle, viens me chercher, sors de ta cachette. Je voulais un jour d'amener, défoncer sous le pète. Mon rebelle, mon rebelle, non, non, mon rebelle, mon rebelle. Mon rebelle, mon rebelle. Mes amis, j'ai fait le tri. Je vois brûler qu'est dans la ville. Mes démons ne vivent que la mine. Et les